Chapitre 7. Encore un jour. Le lendemain, 20 octobre, la nouvelle de l'inexplicable invasion végétale s'étalait dans tous les journaux du matin, délogeant les autres actualités, y compris le voyage à la Lune et la Moon Gold. Excelsior publiait toute une page de photos particulièrement suggestives, représentant la lutte contre l'envahissement des lampes et fils aux Galeries Lafayette, au Terminus Saint-Lazare, à l'Hôtel Métropole, au Ciné Paramount et à l'Institut. Évidemment, des endroits dans lesquels Aurore et moi avions séjourné quelque temps et répondu des sports, séparément ou ensemble, depuis notre arrivée à Paris. Mais l'Institut... Eh, Nathan, parbleu! Lui aussi est un porteur de germes depuis ce même jour, autant et plus que nous, puisqu'il a dû se livrer à l'élevage intensif du lichen dans son laboratoire. La plus grande partie de l'article consacré à la description détaillée des accidents survenus en ces divers lieux ne m'apprenait rien de plus que je n'en avais vu par moi-même. Je parcourus la suite. Au coin du boulevard Malesherbes et de l'avenue de Courcelles, en face de l'hôtel Métropole, un foisonnement de ces étranges végétaux s'est produit sur les câbles électriques d'un égout que l'on avait mis à nu pour y effectuer des réparations. Il en est résulté un court-circuit et un commencement d'incendie à la conduite de gaz voisine. On nous apprend en dernière heure qu'un centre de contamination, il faut bien appeler ainsi la propagation de cette étrange épidémie qui frappe les appareillages électriques, s'est déclaré hier après-midi chez le photographe d'art bien connu du boulevard Saint-Michel, M. Marcel Frémier. L'apparition du mal, en un point de Paris aussi éloigné des autres énumérés ci-dessus, nous prive de l'espoir de voir se localiser cette invasion, dont l'origine comme le mode de propagation reste, à l'heure qu'il est, un entier mystère. Des bruits ont couru dans certains quartiers, au voisinage des immeubles atteints, attribuant la responsabilité de ces faits à quelques puissances étrangères mal intentionnées. On a même parlé de guerre des microbes. Nous tenons à mettre en garde nos lecteurs contre des interprétations fantaisistes d'un phénomène qui s'avérera sans aucun doute d'ordre purement naturel lorsqu'on en connaîtra l'origine et qui est resté jusqu'ici à peu près totalement inoffensif en dehors des dégâts matériels, peu considérables d'ailleurs. Ces proliférations végétales sont plus gênantes que dangereuses et l'on peut affirmer qu'une guerre des microbes procédant par attaques brusquées ne se bornerait pas à user de moyens aussi anodins. Le préfet de police a ouvert une enquête. Le laboratoire municipal, chargé d'analyser les matières formées sur les lampes et les fils conducteurs, n'a encore communiqué ses conclusions. Un coup de téléphone reçu de Marseille au moment de mettre sous presse nous signale que des accidents analogues se serait produit dans la grande cité phocéenne et dans sa banlieue depuis un ou deux jours. Cette épidémie électrique ne serait donc pas déclarée uniquement dans Paris, sous toute réserve, jusqu'à plus ample informée. Comme je sortais, la concierge m'arrêta au passage dans le vestibule. « Alors, monsieur Delvar, c'est-il vrai que les boches ont répandu sur Paris des obus de poils à gratter? Ça a commencé chez vous ?» Et puis chez Monsieur Noguès, votre voisin, mais nous en avons aussi dans la loge depuis hier soir. Moi, je ne sens pas les incestes, mais mon mari s'est tout écorché à force de se gratter la nuit. Avant qu'il aille prendre son service au métro, j'ai dû lui mettre de la poudre de talc comme aux petits enfants. Et sitôt qu'on allume, c'est une dégoutation partout. Il pousse du mou de veau sur la lampe et les fils. Qu'est-ce que nous allons devenir? Faites comme moi, Madame Taquet. N'allumez plus l'électricité, éclairez-vous au pétrole ou à la bougie. Vous verrez que votre mari n'aura plus de démangeaisons et qu'il ne poussera plus de mou de veau sur vos lampes. Et je sortis, laissant la bonne femme incrédule et mystifiée. Je l'entendis murmurer derrière mon dos. Toujours blagueur, ce monsieur Delvar. La bougie, je veux bien, mais ça n'empêchera pas le poil à gratter de gratter. Contrairement à la veille, c'était une belle journée d'octobre, un azur délicat, un soleil éclatant qui me donnait l'horreur de m'enfoncer dans le sous-sol du métro. Je choisis d'aller à pied par la rue Caulaincourt jusqu'au boulevard de Clichy. Nulle part je ne voyais sur les visages des passants trace d'une préoccupation bien grande, d'une réelle inquiétude. Je venais d'arrêter un taxi au coin du boulevard de Clichy, lorsque je m'aperçus qu'un gros paquet roussâtre enveloppait, comme une loque ignoble, la boîte d'accumulateurs sur le marchepied. Devant mon regard intrigué, le chauffeur ricana. « Vous en faites pas, monsieur, c'est pas de l'ordure. Fallait bien que ça vienne aussi sur les taxis, ce fichu champignon-boche de malheur. Ça s'est collé hier au soir sur ma boîte d'accu, et tout le temps que je roule, tant plus que j'essuie, tant plus que ça repousse. Alors je le laisse, vous comprenez. » Je comprenais surtout que, d'heure en heure, les sports gagnaient du terrain et que, immanquablement, d'ici peu, on verrait dans Paris tous les appareillages électriques envahis de lichens. Cette boîte d'accumulateurs contaminés sur ce marchepied me donna soudain ce que je n'avais pas eu jusqu'ici, l'impression d'un début de catastrophe sociale. « Et où qu'on va ?» fit l'homme, car je restais sidéré, une main sur la poignée de la portière. Je me secouais. Hôtel Métropole. Devant l'hôtel, au coin du boulevard Malesherbes et de l'avenue de Courcelles, un groupe de badauds, sous l'œil bénévole d'un sergent de ville, entourait un regard de canalisation électrique, dans lequel deux électriciens travaillaient sur un câble, à réparer les dégâts du court-circuit. Dans l'hôtel, rien d'anormal en apparence, que l'odeur de crésil et l'air inquiet et affairé du personnel. On avait nettoyé les lampes et aucune n'était allumée. Toutefois, à la caisse, un gros Allemand à lunettes d'or, vert chapeau tyrolien et pèlerine de l'Oden, tout en réglant sa note, adressait des reproches véhéments à la caissière, digne et l'air pincé. Au passage, je saisis le mot « Inzegd » abondamment répété. L'ascenseur électrique ne fonctionnait pas. Je pris l'escalier sans rien demander à personne. Je savais le numéro de la chambre d'Aurore, 127 au troisième. Arrivé devant sa porte, je fus surpris d'entendre des voix à l'intérieur. Une visite? Sans savoir pourquoi, une angoisse m'envahit. Je frappai, les voix se turent. Je reconnus celle d'Aurore qui me disait « Entrez ». J'obéis. Un spectacle bizarre me fit bégayer en saluant la jeune fille qui venait au-devant de moi. Elle était en conversation avec le valet de chambre, et ce valet de chambre, en gilet à rayures noires et rouges, le plumeau obliquement planté dans la poche de devant du tablier, stylo et carnet en main, s'apprêtait à prendre des notes dans l'attitude du parfait reporter. Sur un guéridon, un plateau chargé de croissants, tasses, cafetières et pots à lait fumants. L'homme venait d'entrer, sous couleur d'apporter le petit déjeuner commandé. « Cher ami, me dit Aurore, vous arrivez à point. Ce garçon, qui se dit reporter, me demande une interview. » À ma vue, l'homme semblait troublé. Je m'avançai vers lui, me contenant à peine. « De quel droit ?» Il tira de sa poche un bout de carton et répliqua en se redressant, avec un effort à l'arrogance. Voici mon coupe-fil que mademoiselle a déjà vu. Tristan Meffray, envoyé spécial de l'agence America. Et après, c'est l'agence qui vous a chargé de venir ici? Oui, mais je vis bien que l'homme mentait. J'ai besoin de compléter ma précédente interview, dans laquelle il n'a été question que de l'alunissage. Il appuya sur le mot avec une intention sardonique. De mademoiselle. Et je suis venu, à la faveur de ce déguisement que je vous prie, comme elle, de vouloir bien excuser, lui demander quelques détails sur la façon dont elle a recueilli les cosmozoaires qui sont en train de répandre leurs bienfaits sur la capitale. Je répliquai avec violence. « Cosmozoaires ? Vous avez dit cosmozoaires ? D'où tenez-vous ce terme ? Aucun journal ne l'a encore employé ?»« Monsieur le professeur Nathan a eu l'extrême obligeance de me documenter sur l'invasion du lichen. Le papier dont il m'a donné la matière est à cette heure sous rotative. Je dois reconnaître qu'il m'a refusé toute indication sur la résidence de mademoiselle, mais je venais de l'apprendre par ailleurs. Personne d'autre qu'une astronaute, et il n'y en a encore qu'une au monde, ne pouvait garder dans sa chambre dans une mallette fermée par une serrure de bazar, un bec de tuyère en matière réfractaire, un détendeur à hydrogène liquéfié et un gravimètre breveté. « C'est vous, monsieur, qui avez fouillé dans mon bagage ?» s'écria Aurore. « Oh, par devoir professionnel !» Le faux valet de chambre souriait avec suffisance. J'éprouvais une folle envie de le gifler. « Monsieur, m'écriai-je, cet espionnage est odieux. Mademoiselle Aurette Constantin n'a rien à vous dire. » Mais Mademoiselle Aurore Lescure en a davantage. Aurore allait parler, mais la colère m'emporta, je la devançais. « Mademoiselle ne vous dira rien. Sortez, monsieur. »« Vous avez tort. Si ce n'est pas moi qui fais parler mademoiselle, ce seront mes collègues, ou les employés de monsieur le préfet de police. Par infraction à la loi sur les étrangers, son passeport n'est pas en règle. La douane aussi aura un mot à dire au sujet de son appareil et des cosmosoaires qu'elle a introduits en France sans les déclarer à l'arrivée. » Je sentis que je venais de commettre une maladresse, puisqu'Aurore avait résolu hier de subir l'interview. Mais il était trop tard pour me rétracter, et cet homme allait peut-être se venger. Il me vint une inspiration. « C'est bien, monsieur. Mademoiselle se plaindra demain à monsieur Chêne. Nous verrons s'il vous approuvera de dépasser vos instructions. » J'avais mis dans le mille. Pâlissant, le faux valet de chambre eut un sourire crispé, qu'il voulait désinvolte et dédaigneux, et s'inclina. « Monsieur, mademoiselle, puisque ma présence vous est à ce point importune, je n'insiste pas. Au plaisir. » La porte refermée, Aurore battit des mains gamineusement et me dit avec malice. « Gaston, vous êtes admirable. Vous avez racheté votre précipitation par une présence d'esprit encore plus grande. Sans reproche, mon ami, n'eût été votre intention violente, j'aurais donné à cet homme quelques détails sur ma pêche aux météorites, et il serait parti à peu près satisfait. Mais en invoquant le nom de Chêne, vous l'avez empêché de mettre ses menaces à exécution. Vous l'avez eu, comme on dit en France. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée ? Son hésitation quand je lui ai demandé s'il était envoyé auprès de vous par l'agence America. J'ai cru comprendre que ce reporter n'agissait que de son initiative personnelle, dans l'espoir de tirer de vous un papier qu'il aurait vendu cher à quelque journal. Et comme vous m'aviez dit que l'agence America dépend plus ou moins de votre fiancée, vous avez conclu que ce monsieur craindrait d'être sévèrement réprimandé s'il venait à me causer du désagrément. C'est exact. Grâce à vous, mon ami, le voilà éliminé. Il a couru sa chance et il a perdu. Bon ou mauvais joueur, il doit le reconnaître. Je n'ai plus d'autre ennui à redouter, jusqu'à demain, des reproches de ma conscience à propos du lichen, de me sentir comme une criminelle. Encore cette obsession, il fallait à tout prix la distraire. Sans relever le mot, je proposai simplement. Si nous sortions, Aurette, il est 11 heures, l'heure de l'apéritif. Où voulez-vous ? Au terminus Saint-Lazare. Le nom avait jailli spontanément tel un réflexe. Voyant ma moue désapprobatrice, elle reprit avec une sorte d'humour cruel. « Voilà que j'acquiers tout à fait la psychologie des vrais criminels. J'aspire à me retrouver sur les lieux de mon forfait. »« Notre forfait, s'il vous plaît, » répliquai-je avec vigueur. « Si forfait il y a, j'en revendique ma part. Je suis tout comme vous porteur de germes, et je voudrais savoir combien de Parisiens ne le sont plus, à l'heure actuelle, dans Paris. » Malgré le beau temps et la courte distance, Aurore manifesta le désir de prendre le métro. Elle avait un faible bien américain pour ce mode de transport. La station Villiers était à 100 mètres. À la bouche située sur le boulevard de Courcelles, 5 ou 6 personnes remontaient lentement les marches. Elles discutaient avec des exclamations, en palpant et se passant de main en main quelque chose, pareil à un lambeau d'étoffe rouge déchiqueté. À cette vue, mon cœur se serra d'appréhension, et Aurore poussa une espèce de soupir horrifié. Mais ni elle ni moi n'émîmes aucune réflexion. Au bout de l'escalier, en croisant les sortants, nous reconnûmes entre leurs mains le fatidique feutrage corail né des spores extraterrestres. Le lichen avait commencé d'envahir le métro. C'était peu de choses encore à la vérité, comme nous pûmes le voir sur le quai de la station, en attendant notre rame. Çà et là, le long des six rails, les deux rails conducteurs et ceux des voies, des plaques rouges ou des bourrelets champignonnants tachaient le luisant du métal. Parmi la rangée des ampoules d'éclairage, à la voûte, quatre ou cinq seulement portaient la résille rouge caractéristique de la contamination. Qui sait, Aurore, dis-je à l'oreille de ma compagne, la virulence des germes diminue peut-être, s'épuise. Elle me regarda, un reproche dans ses yeux francs et loyaux. Pourquoi essayez-vous de me tromper, Gaston? Ce n'est qu'un début. C'était l'avis général du public autour de nous. Penchés au bord du quai, ou levant les yeux vers les lampes, des gens se montraient des stigmates alarmants. Dans un groupe, un gros homme pérorait, vitupérant la compagnie et le gouvernement. Allons, il y a de l'espoir. On va se gratter aussi dans le métro, rigola un loustique au moment où la rame entrait en gare. Dans le wagon de première où nous montâmes, les lampes restaient intactes, les voyageurs indifférents. Le souterrain, sans doute, n'était pas encore contaminé en direction de la porte Champéret. Europe, Saint-Lazare, le long corridor souterrain, la rotonde avec ses vitrines éclairées du dedans comme à l'ordinaire, mais quelques lampes extérieures malades. Et l'escalier court du Havre nous mit sur le trottoir même du terminus. De nombreux badauds arrêtés devant le café semblaient attendre un événement. Mais il ne se produisait rien. Dans la belle journée d'octobre, la terrasse, peuplée de consommateurs, avait repris son aspect habituel. De même, à l'intérieur, sur les appliques et les plafonniers, les ampoules astiquées et non allumées restaient nettes. Sans ce que nous venions de voir dans le métro, on eût pu se leurrer, croire à l'évanouissement de la menace. Mais non, toutefois. Sur la chaussée, dans le flot des taxis et des autobus, rares étaient, à présent, les véhicules qui ne traînaient pas, soit au marchepied sur la boîte d'accumulateur, soit sous le châssis et à l'arrière du moteur, leurs goîtres loqueteux de fongités rousses. Quant au tramway, chaque voiture soulevait au passage entre ses roues une gerbe de boue sèche, de lichen arraché par la charrue au caniveau de prise de courant. Non loin, une détonation soudaine, comme d'un pneu éclaté, des cris confus. C'est vers la rue de la Pépinière. Au ras du pavé, sous un tram arrêté, fuse une flamme blanche. Court-circuit. Mais en un instant, le spectacle nous est bouclé par la ruée compacte des curieux qui se précipitent. Nous ne voyons plus devant nous que la file des voitures de tramway immobilisées par l'accident. Puis une fumée là-bas s'élève, la voiture court-circuitée qui brûle. Beaucoup de consommateurs ont déserté la terrasse pour aller se rendre compte. Mais nous ne bougeons pas. Aurore, toute pâle, me regarde profondément, comme si elle mettait en moi son dernier espoir. Elle souffre. Je m'efforce de la distraire affectueusement, de bavarder de n'importe quoi, jusqu'au moment où, l'un après l'autre, les badauds reviennent s'asseoir aux tables voisines et nous apprenons avec soulagement qu'il n'y a pas de blessés, que les voyageurs ont pu s'échapper à temps de la voiture incendiée. « Demandez Paris Midi !» Acheté avidement au vendeur, comme si les gens se fussent attendus à y trouver la relation de l'accident qui venait de se produire sous leurs yeux, la feuille ne contenait pas l'article du professeur Nathan annoncé par le reporter de l'agence américain. La seule nouvelle que nous illume, autre que dans les journaux du matin, fut l'aveu de l'envahissement du métro par le lichen. Le fait avait été constaté pour la première fois au début de la nuit sur l'ex-Nord-Sud, aux stations Lamarque et Rennes, celle où je m'étais embarqué et celle par où j'étais sorti pour me rendre chez mon oncle. La contamination des boîtes d'accumulateurs et des magnétos, ou dynamos, des taxis et des autobus, datait aussi de la nuit. Celle des tramways s'était manifestée vers 6 heures du matin, en face du terminus, ici même. En dépit de cette diffusion inquiétante, l'auteur de l'article faisait preuve d'un bel optimisme, en déclarant que des mesures avaient été prises par les autorités pour enrayer l'extension de cette épidémie électrique. Après cela, la dépêche annonçant que le Berengaria serait à Cherbourg demain matin à midi prenait une saveur plutôt ironique. Dès son arrivée à Paris, où il compte se rendre par avion, M. Lendor J. Shane s'occupera d'organiser la filiale de The Moon Gold Mines Society Limited. Il a déjà pris ses dispositions radiophoniquement avec la Banque des États-Unis et d'Europe. Les titres porteurs de l'European Moon Gold seront émis à la valeur nominale de 500 francs, dont moitié payable à la souscription. Avant le déjeuner, Aurore prit soin de téléphoner à Nathan. Dès hier, elle avait projeté de faire visite au savant biologiste, aujourd'hui si possible, et il était entendu que je la laisserais aller seule. Mais depuis la déclaration du reporter de l'América, je tenais à l'accompagner pour adresser à Nathan les reproches que méritait, à mon avis, son impardonnable indiscrétion. Malgré les règlements qui interdisent de se servir à deux d'une cabine publique, je pris place à l'appareil avec Aurore dans le bureau de poste de la Madeleine. « Allô, oui, le professeur Nathan. Que me voulez-vous, mademoiselle Lescure? Je suis en train de déjeuner. » La brusquerie coupante de son ton me révolta. D'un geste impulsif, j'arrachai le cornet des mains d'Aurore et lâchai tout à trac. « Allô, monsieur le professeur. Ici Gaston Delvar. Je suis avec mademoiselle Lescure. Il y a eu ce matin une aventure très désagréable. Un journaliste qui venait de chez vous et auquel vous aviez eu le tort de livrer les confidences qu'elle vous a faites sous le sceau du secret. « Monsieur Delvar, votre jeunesse seule excuse votre emportement et votre étourderie. Je ne vous reconnais pas le droit de juger ma conduite, ni de suspecter ma parole. Mademoiselle Lescure m'a demandé le secret uniquement sur le lieu de sa résidence. Si le reporter de l'agence américaine l'a découvert, je n'y puis rien. À chacun son bien. À mademoiselle Lescure le fait brutal de la découverte des cosmozoaires. Quant à mes conclusions à leur sujet, elles appartiennent à la science, c'est-à-dire au monde. Vous n'allez pas prétendre m'empêcher de les proclamer. Et quelles sont-elles, je vous prie? Ah non, j'ai dicté ce matin un article complet pour qu'on me laisse en paix. Lisez-le dans l'édition spéciale de l'intransigeant. J'allais sans doute lâcher des paroles vives, mais Aurore s'empressa de me reprendre le cornet. Monsieur le professeur, vous avez tout droit de proclamer vos conclusions. Même si cette révélation prématurée doit me causer des désagréments, je m'incline. Mais vous m'accorderez bien le plaisir de voir dans votre laboratoire les résultats de votre expérimentation. À l'autre bout du fil, un grognement agacé, puis « Soit, je vous dois cela. Je suis très pris. Attendez que je consulte mes rendez-vous. « Je peux vous donner 25 minutes, tantôt à partir de 15h30. Soyez exact. » Et il raccrocha. Nous nous entre-regardâmes. Un rictus d'amertume relevait le coin des lèvres d'Aurore. « Ce savant de l'Institut de France vaut les savants d'Amérique. Toute découverte qui leur tombe sous la main, ils oublient volontiers leur auteur réel. Pour un peu, M. Nathan se croirait le père des cosmozoaires. » Et avec un soupir de regret, elle ajouta « Plût à Dieu que ce fût vrai !» Avant de sortir du bureau de poste, je demandai encore le numéro de Frémiet. Sa grosse voix de baryton me répondit « Ah, c'est toi, mon petit Gaston. Quoi de neuf depuis hier? Tu as lu les gazettes, hein? C'est formidable! J'ai reçu le premier journaliste à 6h du matin. Il en est déjà venu 15. » Avec des photographes et des tourneurs de caméras. La maison est pleine de fumée de magnésium. Et sur les lampes, ça continue, et ça empire. Il n'y a que mon gamin qui jubile avec sa confiture TSF, comme il dit. Je freinai l'exubérance du vieillard. Mon oncle, je n'ai qu'un mot à vous dire. C'est au sujet des épreuves de mademoiselle Constantin. Quand pourrais-je passer les prendre? Avec tout ce micmac, disons après-demain matin. « Tiens, faisons mieux. Viens à midi ce jour-là déjeuner sans façon et amène ta cliente. Elle a fait la conquête de ta tante. Et la mienne aussi. » Il eut un ricanement jovial. « Eh, mon gaillard, félicitations, elle est rudement gentille, ta petite. » Je coupai en hâte. « Mademoiselle Constantin est ici à l'autre récepteur. Elle vous remercie de votre aimable invitation, mon oncle. » mais elle ne sera plus à Paris après-demain. Hélas, en recourant à son petit mensonge officieux, je ne croyais pas si bien prédire l'avenir. Nous déjeunâmes à la taverne royale, au fond de la salle, pour éviter de voir dans la rue les véhicules automobiles traînant leurs goîtres de lichen. L'établissement était indemne de la contamination et les ampoules des appliques au-dessus de nos têtes éclairaient limpidement. Comme moi, Aurore faisait effort pour oublier la hantise et durant le repas, nous y réussîmes presque. J'avais mis ma compagne sur le chapitre de la peinture et une fois de plus, j'admirais l'union en elle d'un savoir inouï et d'un jugement sûr, avec la simplicité ingénue d'enfant. Déjà dans mon atelier la veille, elle avait apprécié mes toiles avec un goût instinctif étonnant. Cette fois, elle parlait des peintres anciens et modernes, citant leurs noms et leurs œuvres qu'elle avait vues dans les musées d'Amérique ou en reproduction. Cette fille de 23 ans savait tout, science et art, et le latin et le grec. C'était, au féminin, un pic de la Mirandole moderne, et avec cela une pudeur intellectuelle, une modestie adorable. On eût dit qu'elle s'écoutait parler, non comme il eût été naturel pour en tirer une juste fierté, mais dans un esprit mi-indulgent, mi-gavroche. Elle assistait, en témoin volontiers ailleurs, au phénomène de sa propre universalité. Après quelque envolée éblouissante, elle se taisait avec un sourire de sa bouche et de ses yeux, aux sclérotiques lactées, comme pour s'excuser et dire « Ne vous moquez pas trop de moi, je ne le fais pas exprès. Ce n'est pas de ma faute si j'ai une mémoire infaillible et une intelligence capable de tout comprendre. » Mais Aurore, fille tombée du ciel, tu as aussi, je le sens, un cœur fait pour s'émouvoir à l'unisson du mien, prêt à vibrer sur la même longueur d'onde que celui du bon camarade. Tu refuses de l'écouter, ton cœur. Un jour viendra-t-il où tu permettras à l'accord parfait de s'établir. Un jour? Mais c'est aujourd'hui le dernier jour de notre intimité fallacieuse. Aventure sans lendemain, peut-être, dont il ne me restera que ton portrait inachevé. Comment vivre encore, après avoir côtoyé la possibilité du bonheur, de l'harmonie merveilleuse? À 14h15, comme nous achevions de prendre le café, l'intrant édition spéciale arriva. L'article du professeur Nathan. Au tombé de notre ciel dans la réalité immédiate, penchés côte à côte sur la feuille, nous lûmes.